OK. La conférence numéro 162. Disponibilité, complicité et intimité. J'ai souvent des rencontres avec des gens qui me parlent de couple. En réalité, je pense que j'ai gagné ma vie avec le couple toute ma vie. Et puis, à tirer au tarot, à faire des cartes du ciel. Puis... Mais ça m'a amené à vouloir subdiviser le niveau de rapprochement de deux êtres ensemble. Et puis, à vous faire voir finalement que vous pouvez avoir une passion pour une personne, vous pouvez avoir même une indifférence pour une personne, puis avoir quand même un niveau de rapprochement. Moi, dans mon travail, étant donné que je fais de la consultation privée, ben ça me demande d'être disponible. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, de ma part, un intérêt à écouter l'autre, à prendre, je dirais, la mesure du mode d'expression d'un individu à cause du fait qu'il est mêlé à un événement avec moi. OK? Bon. Là, présentement, j'ai des travailleurs qui viennent d'arracher les fenêtres, que de le dire, arracher, puis en installer des nouvelles. Et puis, ça m'oblige à être disponible, à être relativement complice, mais définitivement pas intime. Donc, il faut que j'ouvre la maison, et c'est ce qui établit une certaine complicité, mais dans un rapport où il y a un échange de services, mais ça, c'est clair qu'il faut que je sois disponible. Donc, des rapports humains qui sont liés à une disponibilité, c'est en fonction d'un événement principalement. Tout est un événement, ça va de soi, dès que vous êtes en contact avec des gens. Mais il y a des niveaux de rapprochement dans l'événement qui vont faire que des gens vont avoir plus ou moins d'influence sur votre personne, indépendamment du fait qu'ils vous aiment ou qu'ils vous haïssent. Ça va quand même, selon la nature du rapprochement, créer un impact particulier. Ce qu'il faut comprendre principalement, c'est que être disponible, c'est pas être obligé. Tandis que complice, oui, il y a une sorte d'obligation à l'autre. Parce que quand t'es complice, l'autre compte sur toi, toi tu comptes sur l'autre. Fait que la disponibilité, il n'y a pas vraiment d'obligation, mais il y a comme dans l'événement, faut bien comprendre la nuance, là, c'est que dans l'événement, il peut y avoir une obligation. Tu sais, l'avion est en train de crasher, puis t'aides quelqu'un à ramasser son parachute, t'es disponible, mais t'es pas nécessairement complice, mais à cause de l'événement, il y a un très grand rapprochement qui s'installe à trouver des solutions pour pouvoir être capable de descendre de l'avion sous une autre forme qu'un petit marchepied là, comme tel. Donc, c'est important de comprendre que si vous voulez que quelqu'un soit disponible à vous, il faut qu'il y ait un intérêt lié à un événement. Je vous donne un exemple. Un vendeur d'automobile vous voit rentrer dans le garage. Et puis là, vous regardez les autos, puis ces choses-là. Puis là, à un moment donné, quand vous avez des questions, bien, vous regardez autour de vous quel vendeur est disponible, et puis qui vous croise des yeux et qui se présente à vous, dit « Est-ce que vous avez des questions? » « Oui, monsieur, j'ai des questions, j'aimerais pouvoir savoir telle chose. » OK? Quand vous arrivez, il dit « Ouais, je vais l'acheter, ça, cette auto-là. » Là, il devient complice, en ce sens que là, pour sortir le véhicule du garage, il devient obligatoire pour les deux qu'il y ait un contrat. Et une recherche de crédit, une acceptation par la banque de votre prêt pour l'achat de l'auto ou que vous ayez une petite valise d'argent qui va faire que votre rapport avec lui va définir que vous avez vraiment acheté le véhicule puis qu'il vous laisse partir avec demain, après-demain, le temps qu'il vous la prépare. Mais encore là, on n'est pas rendu à l'intimité. On est complice parce que il y a dans l'événement quelque chose qui a dépassé la disponibilité et qui vous a placé dans un rapport d'entente mutuelle et donc de complicité. Là, vous avez dit, tu vas en parler de l'intimité. L'intimité, c'est un niveau d'engagement. C'est pas une... C'est sûr, vous allez me dire, dans un contrat, il y a un engagement, mais il n'y a pas un engagement nécessairement avec un individu. Il va y avoir un engagement avec, exemple, un contrat qui vous lie du véhicule l'obtention du véhicule à l'utilisation que vous allez en faire au cours de, je sais pas, des 4-5 prochaines années comme tel. Donc, être complice, ça peut apparaître intime, mais de l'intimité, il y a une permanence qui s'installe. Vous êtes, pour établir le concept de l'intimité, vous êtes plus intime avec quelqu'un que vous voyagez dans l'auto que vous venez acheter qu'avec le vendeur avec qui vous avez eu la complicité de signer un contrat. Vous me suivez? Donc, puis on pourrait dire que l'auto en soi est plus intime que le vendeur comme tel, dans le sens que tu utilises l'auto d'une façon quotidienne, et ça, ça établit à cause de l'engagement, une intimité avec le véhicule ou une intimité avec les gens qui se véhiculent avec vous dans le véhicule, mais de façon quotidienne et permanente là, comme tel. Il faut comprendre que le terme intime implique une permanence, ça c'est bien important là-dedans. Tandis que tu peux être complice, comme j'expliquais, pour un événement dans votre vie qui est passager, mais qui peut être important aussi, mais qui est pas relié à une forme quelconque d'intimité. Pour la plupart des gens que je rencontre, je suis disponible à un service que je rends. Quand les gens vont me rencontrer une fois, Joanne me fait rencontrer une de ses amies, j'étais disponible, mais je suis plus complice avec Joanne qu'avec la personne qu'elle m'a rencontrée, parce qu'elle s'est engagée dans un bloc de temps, de consultant puis de consultation, qui fait que je suis plus complice que disponible. Mais la personne que j'ai rencontrée, pour moi, c'est juste un niveau de disponibilité, point. Si la personne commence à vouloir s'engager, à venir à des conférences, des formations, des affaires même, là, à ce moment-là, je vais être complice, parce que là, on va rentrer dans un niveau d'échange qui va exiger de ma part une plus grande, on va dire, étude de son comportement pour lui donner une lecture psychologique de ce que je perçois occultement, psychiquement, puis même carrément visuellement de son personnage. Bon, sa personne, c'est une personne intense, puis ça paraissait dans ses yeux, ça paraissait dans son comportement physique, ces choses-là. Fait que je peux lui donner un feedback, parce qu'il me demande d'être plus que disponible. Il me demande d'aller vers un cheminement pour faire une modification, une correction ou une amélioration de sa façon de vivre. Vous me savez? Mais jamais je suis intime. C'est à moins qu'on soit pris dans le bois, dans une crise de guerre ou ces choses-là. Puis on va être obligé de dormir un côté de l'autre pour se réveiller en sursaut s'il y a une attaque de Big Mac, là, tu sais, ou en tout cas, une attaque parce qu'on est dans le bois puis il y a des ours, des loups qui veulent nous manger. Bon, OK? Mais il faut comprendre que le mot intimité, ça implique un certain facteur d'engagement qui va plus loin que d'être complice. Ça va aller dans un rapport de protection de l'autre, puis mutuel comme tel. Tandis que dans la complicité, oui, il peut avoir un certain rapport de protection, mais ça va à des obligations qui sont beaucoup sporadiques et non pas constantes. J'établis ce point-là, pourquoi? Parce que dans les structures de couple d'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent être ensemble, mais ils ne veulent pas s'engager. Donc, c'est des complices de vie. Mais c'est pas des intimités de vie. Intimité, tu sais, après, je sais pas, 10 ans de vie commune, on peut considérer qu'on est intime. Mais être complice, on peut avoir des voisins, puis moi, j'avais des voisins à Saint-Colomban où on avait des échanges de services, un était mal pris, il prêtait un outil à l'autre. On était complice, mais on n'était pas intime. C'est pas... J'avais un de mes amis qui s'appelait Richard, venait tondre le gazon chez nous, on parlait de ça l'affaire, il était bien fin, il était pris l'hiver, son char partait pas, il venait m'emprunter mes câbles à booster, tout le kit. Mais jamais il aurait pu m'empêcher de déménager. Il aurait pu dire, ben, écoute, moi je t'aime bien ici, j'aimerais ça que tu restes, mais mes chats avaient plus d'importance. J'étais plus intime avec mes chats que intime avec Richard. Vous me suivez? Donc, un voisin, tu peux avoir un très bon rapport avec, tu peux être complice avec, mais tu n'es pas capable de modifier ton évolution de vie avec, comme tel, tu sais, pour, en tout cas pour des processus décisionnels de mode de vie. Bon, est-ce que dans une relation que vous voulez avoir avec une personne, vous êtes premièrement disponible. Tu sais, la fille est hôtesse de l'air, puis t'avoue une fois par mois. Tu peux être disponible, mais de là être complice, il faut quand même une certaine fréquence. Puis intime encore moins, parce que là, même si tu baises avec, ou tu as du sexe, n'importe quoi, ou tu t'occupes de ses enfants pendant qu'il est parti, ça n'établit pas un rapport de permanence, parce que tu peux éventuellement décider que là, t'es tanné, là, ça fait 3 ans, là, puis that's it, that's all. Il y a une annonce à la radio qu'on entend, puis tu vois la fille, elle dit « Hey, on va faire une chambre d'enfant. » Il dit « Écoute, chambre d'enfant, on s'est connu hier. » Elle pousse à l'intimité très, très, très rapidement. Je suis disponible à parler de maison, d'appartement, ces choses-là, mais on n'est pas rendu complice au point de pouvoir faire des projets de vie. Là, quand l'autre a dit on va faire une chambre d'enfant, pas de pas, puis le gars est célibataire, tout le kit, puis ça, on s'est rencontré hier. Mais ça établit aussi qu'on est dans une société où on ne sait pas trop où est-ce qu'on se positionne dans des rapports de vie intime. Et puis, je pourrais aller même au fait que des gens peuvent être intimes. Puis là, j'exclus le sexe comme étant de l'intimité. J'exclus ça parce qu'il y a bien du monde que... bien du monde. En tout cas, j'en rencontre quand même suffisamment pour dire qu'il y a bien du monde, plus que dans les années 60, ça, c'est clair, où ils peuvent penser que le sexe est intime, mais ils sont même pas complices un par rapport à l'autre pour engager un projet, ne serait-ce que de voyage ou d'aller vivre ensemble pendant, je sais pas moi, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Fait que le sexe, pour moi, c'est sûr que ça fait partie de l'intimité, mais c'est pas là-dessus qu'on peut jurer ou dire qu'on est intime. C'est ce point-là, parce que vous demanderez à une femme qui... comment qu'elle appelle ça, des travailleuses du sexe, s'ils sont intimes avec le client. Puis il y en a même une, elle dit, moi, j'embrasse jamais. Mais il y a tout le reste, mais j'embrasse jamais. OK, tu sais, quand tu as des critères, genre, telle affaire, je fais ça, telle affaire, je fais pas ça, puis ça, je veux pas, puis ça, je veux, tu sais. Fait que la sexualité n'est pas un rapport que je place dans l'intimité, absolument. Tu sais, c'est pas parce que deux personnes ont couché ensemble qu'ils sont nécessairement intimes. Mais ils peuvent être complices. Ils peuvent être disponibles. Mais tout se passe dans la tête. C'est ça que je veux faire comprendre dans le point. Comment ça se passe dans ta tête? Pourquoi que les gens divorcent? C'est qu'ils ont été intimes. Là, ils commencent à être complices. Puis à un moment donné, ils sont disponibles. Ah, ben là, je voulais que tu aies ta chambre. Je voulais pas, on va coucher dans le salon. Tu sais. Moi, j'ai connu ça, l'épopée du bon, ben là, je t'annis, tu m'empêches de dormir. Bon, qui est-ce qui va aller dans le salon? Bon, on fait ça chacun notre tour. Puis finalement, c'est plus à ton tour qu'à l'autre. Fait que là, dans cette dimension-là, on pourrait dire qu'il y a eu une intimité, c'est revenu à de la complicité, puis à un moment donné, bon, tu es disponible à rester dans la même maison parce que je paye le loyer, mais ça s'arrête là, puis là, ben, pop, ça coupe, là, c'est comme, bon, faut que tu t'en ailles, là. C'est comme pitnable. Fait que vous pouvez comprendre qu'un rapport peut rentrer dans une de disponibilité à complice, puis il peut éventuellement être intime. Il y a une espèce d'entente de survie qui roule là-dedans. Puis le deal est bon, tu sais. Et puis là, ben, il y a un rapprochement, puis il y a une concrétisation. Mais ça peut aussi revenir en arrière, tu sais. Ça veut dire que là, t'es intime. Mais quand ça commence à peut aller au niveau du sommeil, ben là, t'es complice. Et éventuellement, ben, t'es disponible, tu vois. Ouais, tu fais quoi la fin de semaine? Ah, moi, ça me tente pas. Fait que vas-y, puis moi, je m'en vais là, tu sais. Là, tu es disponible d'être là de temps en temps, mais tu n'es plus complice dans la vie ou la dynamique de l'autre. Donc, tu n'as pas d'intimité, tu n'as plus de complicité. Tu as de la disponibilité pour payer les comptes, puis ça s'arrête là. Fait que vous voyez que ça peut être un crescendo à hausse puis un crescendo à baisse. Évoluer dans la vie, c'est complexe. Et puis moi, j'ai tout le temps dit qu'une personne qui a de l'identité, c'est nécessairement une personne qui doit passer par un passage à vide, donc un passage de solitude. Avoir de l'identité puis avoir de la personnalité, c'est deux chemins qui sont souvent différents. Une personne qui veut développer sa personnalité a généralement un très grand besoin de socialiser. Quand vous êtes sociable, social, vous êtes profondément disponible. Une personne qui veut avoir de l'identité n'a pas le droit, mais elle a l'exigence de passer par une solitude pour pouvoir identifier ce qu'elle met en échange. Fait que une personne qui est seule, ça peut être un problème de personnalité, un problème de refus des autres, de voyez-les de même, là, de haine de son environnement. Tu sais, son environnement fait jamais son affaire, puis elle a une attitude négative vis-à-vis du fait de socialiser. Bon, il y a certains signes astrologiques qui sont pas trop sociables. Tu vas prendre un Capricorne, certains poissons, c'est des tempéraments. Les signes d'hiver, principalement, là, Capricorne, Verseau, poissons, sont principalement ceux qui sont visés vis-à-vis une attitude qui peut être réfractaire à l'aspect, on va dire, social. Donc, c'est des gens qui ont une plus grande facilité à rester tout seul. Mais c'est pas parce qu'ils ont une capacité à rester tout seul, à s'occuper avec un jeu quelconque, faire de la construction, bâtir sa maison, t'as pas de fond là-dedans, là. Tu peux peinturer ta chambre 4 fois par année, là. Mais ça établit pas que t'as de l'identité parce que tu fais ça. Ça fait juste, t'es antisocial, point final. Puis en étant antisocial, ben, tu côtoies pas personne. Mais tu formes pas ton identité là-dedans. L'identité, c'est vraiment qu'est-ce que t'as à partager avec ton environnement. Tu te connais, puis t'as souvent une étude sérieuse du comportement des autres. Donc, être capable d'avoir de la personnalité, c'est d'être disponible et souvent complice, rarement intime, mais pour avoir de l'identité, il faut avoir passé par les 3 paliers à haute intensité. Donc, être profondément disponible, profondément complice, puis profondément intime avec ton environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un gars comme moi, exemple, qui va pouvoir pousser son identité au max, va chercher un rapport selon la capacité d'engagement de l'autre. Fait que l'autre est capable de s'engager, je peux aller jusqu'à un facteur d'intimité, de compréhension, prendre le temps de sentir, de voir. Moi, j'aime ça habiter l'autre, prendre son mental, puis faire le tour de sa tête, puis sa conscience, puis de partager là-dedans, dans ces terrains-là. Ça veut dire être capable de poser des questions deep, les questions sur l'enfance, les vies antérieures, si tu veux aller, je suis capable de descendre là-dedans, il n'y a pas de trouble. Puis, je pense que pour faire des exercices, aller jouer avec les entités qui manipulent le mental de l'autre, il faut que tu sois intime. Même il y a des gens qui pensent qu'ils sont intimes quand ils ne savent pas quelle bébite qui manipule le cerveau de son chum ou de son ami, ou peu importe. Tu peux me parler d'intimité tant que tu veux, là, mais il y a bien des affaires qui t'échappent. Donc, de l'identité, c'est deep, et c'est de l'esprit. De la personnalité, c'est toujours de l'âme. Dans de l'âme, c'est très difficile d'aller dans des zones très profondes d'intimité. Mais dans l'âme, tu peux avoir beaucoup de complicité. Je me souviens, dans le temps, je faisais de la moto, les gars, c'est les tracks, on peut dire qu'on était pas mal tous complices, parce que quand on était 100 sur une ligne, 100 motos sur une ligne, il fallait rentrer 50-100 pieds plus loin, dans 15 pieds de large, 100 motos, ça passait pas. Il y en avait juste une dizaine qui pouvaient rentrer dans le 15 pieds de large, puis encore, ça s'accrochait dans les poignées. C'était très intime aussi. Quand tu tombais à terre et tu voyais une roue de broche avec un sprocket dessus là, qui tournait autour du visage, on comprenait pourquoi qu'on avait des casques, full face. Et puis, c'est intime dans le sens que tu joues ta vie, tu joues les blessures corporelles qui peuvent s'en suivre, mais c'était surtout de la complicité qu'on vivait, c'était pas vraiment de l'intimité. Donc, c'est du jeu d'âme. Donc, c'est du jeu intense de l'âme. Mais ça va pas plus loin que du jeu de complicité d'âme. Donc là, où vous parlez de complicité, souvent c'est un jeu d'âme. Tandis que là, où vous parlez d'intimité, vous commencez à jouer avec de l'âme et de l'esprit. Donc l'esprit se manifeste dans la capacité de jouer dans une discussion, jouer avec des principes d'abstraction, du rapport de lecture de la vie, de compréhension de la vie, puis d'action qui se pose à partir de ce que tu comprends. Vous me suivez? Les gars viennent, ils disent, nous, on va te régler toutes tes fenêtres en 2 jours. 2 jours, moi, je vais au paradis, ils me disent, Ça me dit, c'est drôle, les gars, si ça vous prend 4 jours, ça me dérangera pas. Je lui dis pas, comme je le ferai avec vous autres. Moi, les forces me disent que tu n'auras pas réglé ça en dedans de 4 jours. Ça va prendre 4 jours. 2 jours, c'est impossible. Fait que là, les gars, après-midi à 4 heures, il y en avait un qui était écœuré parce qu'il avait travaillé jusqu'à 7 heures, il faisait noir, puis lui, il est employé, hein, fait qu'il veut travailler avec des heures normales, tandis que l'autre, c'est de bosse, puis il veut aller plus vite. Puis là, finalement, aujourd'hui, il était sur le bord de la crise, puis il dit, moi, je veux fermer à 4 heures à soir. Il dit, bosse pas, bosse, il dit, je vois le col, c'est là, s'il me fait fermer à 7 heures à soir. Je dis, ça me dérange pas, Max. Mais moi, je suis pas mal sûr que vous en avez au moins encore, à moins que vous vouliez botcher, là, vous avez 2 jours de plus. Fait que là, l'autre, il dit, ouais, j'aime bien ça, moi, 2 jours de plus. Ça fait mon affaire. Fait que, il a dit au boss, on va finir mardi. Je dis, ben, ça a confirmé ce que les forces me disaient, que ça prendrait 4 jours. Ça s'est passé exactement comme les forces me l'ont dit, mais ça, c'est un rapport d'esprit à l'événement. C'est pas un rapport de complicité dans le sens de l'âme avec l'événement. Tu sais, moi, que tu le fasses en 2 jours, ouais, OK, c'est correct, on va être correct, là, mais c'était pas comme ça que je le voyais. Fait que, dans ma tête, c'était une réponse, puis dans les âmes, c'était une intention, on va dire ça de même. OK? Comment tu peux savoir que tu es proche de quelqu'un? C'est quand tu sais lire ce qu'il est et ce qu'il va faire dans ce qu'il est. OK? Le gars, il est poisson. Un poisson, ça rêve sa vie. C'est pas clair dans sa vie. Fait qu'il dit, en 2 jours, je vais te régler ça. Moi, je sais qu'il est poisson. Puis il dit, c'est pas compliqué. On écoute, puis on divise par 2. Dans ce cas-là, c'est multiplié par 2, puis c'est 2 jours de plus. Il dit, en 2 jours, on va le faire. Si tu le multiplies par 2, ça fait 4 jours. Tu sais ça. Ça te communique, ça. Tu doutes pas de ça. Tu traites d'identité à l'âme, d'identité à la personnalité. Puis l'autre, il dit, « Ouais, aujourd'hui, là, c'est pas possible de finir. Il va falloir revenir pour faire le ménage. T'inquiète pas, j'ai samedi, dimanche, tout seul, la main grand. Je vais le faire, le ménage, je vais ramasser la poussière, puis j'ai pas le goût de dormir dedans, puis respirer du brin de scie, puis de faire la même. Ah, ben, t'es bien fin, merci. Ben, je suis complice. Je soulage son âme avec mon identité. Vous suivez? Ou si vous êtes dans la personnalité, vous autres aussi, tu dis, ben, écoute, je vais te rendre service, puis je vais le faire à ta place. T'sais? Puis là, ça devient de la complicité d'âme d'une personne à l'autre. Donc, le rapport avec l'autre, il devient plus facile, et à cause que tu es complice dans l'âme, puis éventuellement, il y a une démarche de développement qui se fait, parce que là, vous êtes capable d'engendrer des événements qui vous mettent sur le test, ou que si vous autres, personnellement, vous êtes testé, l'autre peut avoir une lecture de votre situation, ce qu'on voit en général entre les amis, où les amis servent souvent à ça, à vous faire voir que dans vos projets, il y a des choses qui vous échappent, puis ils vont vous donner quelques petites phrases célèbres, et puis ça va vous remettre un petit peu comme ça à traque. Donc, vous voyez que c'est pas si facile que ça d'être intime, parce que ça demande d'avoir une certaine identité, que si vous avez pas, vous allez pousser des registres de complicité dans des événements qui peuvent être exigeants, puis c'est pas bien compliqué, là, ce qui exige, c'est des engagements financiers et des engagements de fidélité. OK? C'est là où vous allez avoir, entre guillemets, à payer un certain prix pour avoir de l'intimité. Sinon, vous ne pouvez pas avoir d'intimité. Vous allez avoir une complicité, téléphoner pour aller prendre une marche, téléphoner pour faire un voyage de 2 semaines. Il n'y a pas de fidélisation là-dedans. Il y a juste des opportunités de se rencontrer et de faire des affaires. Mais ça ne va pas jusqu'au niveau d'intimité qui exige un engagement. Fait que moi, des fois, j'écoute des gens dire « Ah, ben moi, là, c'est mon chum, ça. » Ouais. Puis, y a-t-il un consentement mutuel dans ton histoire ou c'est toi qui veux ça, mais que l'autre, lui, il n'a pas défini encore qu'il s'engageait là-dedans. Ou il est peut-être carrément en train de te tester dans de la complicité pour voir si son âme est capable de composer avec le tien ou à la tienne. Des recettes, il y en a, mais ça me sert à rien de te dire qu'il y a des recettes si tu n'es pas capable de les appliquer. Parce que si tu n'es pas capable de les appliquer, il n'y a pas de recette. Bien, du monde me dit, c'est quoi la recette pour être intelligent? C'est quoi la recette pour être conscient? C'est quoi la recette pour faire des prises de conscience? Écoute, je suis capable de toutes les donner, les recettes. Mais si tu n'es pas capable d'en faire une, j'ai autant de dire qu'il n'y a pas de recette. Fait que moi, je dis plutôt aux gens, il n'y a pas de recette. L'esprit, il n'y a pas de recette. Parce que si on dit quoi faire, puis que tu ne le fais pas, bien, il n'y en a pas de recette. Tu sais, moi, te donner une recette de tarte, puis si jamais tu vas faire une tarte, bien, il n'y a pas de recette. Vous me suivez? L'évolution d'un individu, c'est complexe. Parce qu'il fait beaucoup de choses pour comprendre, mais il fait presque rien une fois qu'il a compris. On dirait que comprendre, ça l'arrête là. Puis il se pose plus de questions à qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'il comprend. Hey, t'es dans l'âme, là, Zézette, là. Quand t'es dans l'âme, le jeu de l'astral, c'est de vous empêcher de faire. Donc, tu es disponible, tu aimerais ça être un complice dans des événements, il se présente les tests, puis si tu débacques, et là, tu dis, non, moi, je veux pas vivre ça. Ben oui, si tu veux pas vivre ça, qu'est-ce que tu penses qu'on va être intime, toi? Là? C'est pas le sexe qui va te créer de l'intimité, c'est l'engagement qui va te créer de un rapport. Puis il faut que les âmes soient drôlement bien tournées pour qu'il y ait une intimité. C'est pas juste, on paye les comptes ensemble, ça va bien, bien plus loin que ça. Allez-y pour les questions, ça va me relancer. Si tu as un patron qui est inadéquat, mettons, pour ta position, est-ce que ça reste au niveau de complicité? Oui. Oui, parce que c'est un rapport d'âme. Il est fait avec toi parce que c'est payant. Fait que son intérêt n'est pas marié à ton intérêt, nécessairement. T'sais. Si tu as un patron qui fait l'affaire, comme tu dis, puis qu'il y a à cœur ton développement, pas strictement mécanique, mais ton développement personnel, puis tu dis, écoute, ma femme, elle a des vacances qu'on n'avait pas prévues, puis j'aimerais ça être avec pendant ses vacances. Écoute, mon Claude, vas-y, essaie de matcher ça avec ta femme, profite-en, ça fait longtemps que tu travailles ici, tu mérites bien ça, puis on va s'organiser. Là, ça commence à être plus sérieux. Ça va au niveau de l'identité. Là. Ça commence à aller dans un terrain où son intérêt il est capable de le tasser pour que tu y aies un avantage au niveau de ton évolution, de ton développement personnel. Mais c'est juste une question d'intérêt, c'est de la complicité dans un événement qu'on appelle le travail. Ben, regarde, moi, j'avais un rapport avec Bernard qui était professionnel, mais où il y avait un facteur de développement intime. Tu sais, qu'elle s'occupait de ma vie personnelle avec mes femmes, là, Monique ou Dominique ou peu importe. Là, il s'en mêlait, il me donnait son point de vue. Tu sais. Puis il était right on. Puis comme toi, il t'a trouvé ta femme, puis il vous a quasiment marié. Puis cette dynamique-là, ça, c'est une dynamique qui va plus loin que le patron. Là. Ça va d'un individu à un individu. Là. C'est des rapports d'identité. Ça. Quand on a identité, est-ce qu'on est nécessairement intime avec les gens qu'on côtoie souvent, avec les proches? Disons qu'une personne qui a de l'identité sait quand elle doit être là, puis qu'elle sait quand elle ne doit plus être là. Parce que sa lecture n'est pas tournée vers ses intérêts stricts. Ça peut être tourné sur l'intérêt de l'autre. Moi, je sais bien que mon gars me signifiait à un moment donné qu'il voulait pas que je décide dans sa vie. Il avait à peu près 21, 22 ans à cette époque-là. Il dit, y a-t-il une place sur la planète où je peux décider tout seul? Ah ben, n'importe où, tout de suite, là, direct là. Il dit, comment qu'on fait ça? Ben, je dis, tu décides, point, puis tu consultes pas. Ah, ben, c'est simple de même. Ben, je dis, oui, c'est simple de même. Bon, ben, il dit, j'aimais ça, plus de consulter. Ah, ben, c'est fait. T'es libre, mon homme. Je suis plus ton père. Je suis un ami éventuel, une référence éventuelle dans ta vie. Il trouve ça raide un peu, j'avoue. Là. C'est parce que il est capable de le faire. Il était capable, puis il l'a fait. T'sais. Donc, il a dit, bon, ben, c'est ça. Là, c'est moi qui décide de mes vies. Là. Tu ne serais plus un intervenant d'importance dans ma vie. Puis un jour, il m'est revenu, puis on dirait qu'il y avait une petite nostalgie du temps où j'y suggérais des choses. J'ai dit, moi, Joe, je fais partie de ton passé. Ton avenir, c'est ta femme. Là. Oups, ça lui a donné un petit coup, tu sais, en voulant dire, sa femme est bien fine, mais bien si, bien ça, mais tu sais, elle n'a pas mon intelligence, elle n'a pas mon contact, elle n'a pas... Fait que là, aujourd'hui, il vit au niveau de l'arbre. Ça, il réussit bien. Mais ça a été sa décision. Fait que quand tu es dans l'identité, tu es un atout pour les autres. Quand tu es dans l'arbre, ben, les deux sont en alternance. Des rapports d'échange qui, à cause de la complicité que ça crée, puis dans certains cas, l'intimité dans la survie, ça devient avantageux. Mais comme j'ai toujours dit, les gens, en premier lieu, c'est des animaux. Après ça, c'est éventuellement des êtres. Mais être un être, c'est plus sexué, là. T'as un corps animal de femme ou t'as un corps animal d'homme. Puis là, il y a une convenance dans les règles sociales pour convenir ensemble. De là, tous les débats de société qu'on a au niveau des Arabes qui couvrent les femmes, qui sont possessives en empivoir clair, versus des femmes qui sont beaucoup plus libres d'agir dans notre société américaine, européenne, ces choses-là. Bon, ça, c'est des confrontations d'armes, parce que si les deux cas étaient dans l'identité, autant dans celui qui veut défendre la liberté de la femme absolument, versus le gars qui veut enfermer sa femme au niveau corporel, là. S'il y avait de l'identité, il n'y aurait pas ces débats-là, ça n'existerait pas, ça. Là. Fait que quand tu es dans les rapports privés avec les gens, moi j'avais un rapport privé et intime avec mon gars, quand tu me dis, je peux-tu décider de ma vie comme moi je l'entends, sans être obligé ou sans me sentir obligé de me mettre en consultation avec toi pour avoir des suggestions. Puis j'ai dit, ben oui, c'est toi qui décides, mon grand. Si t'es capable de décider, ben tu fais un pas vers ton identité. Mais ça veut pas dire que ta blonde, elle va être capable de le faire, le pas, là. Tu sais, ça veut pas dire qu'elle va avoir de l'identité, là, puis qu'elle va pouvoir te supporter dans un moment creux, là. Tu risques de te ramasser tout seul. Comprends-tu? Parce que quelqu'un qui a de l'identité est capable d'être seul. Mais quelqu'un qui est dans la personnalité ou dans l'image de l'âme, il est pas capable de rester tout seul. Il a toujours besoin d'un environnement pour pouvoir le conforter. S'il n'y a pas son environnement pour le conforter, ben il y a des angoisses, il y a des crises de panique. La façon dont tu parles, comme si quand tu as de l'identité, tu es pas seulement tout le temps intime avec tes proches, c'est comme ça va être... Ben, de l'identité, c'est overall. Quand tu as de l'identité, tu es intime avec toi, en prédilection. Là. Puis après ça, ben, tu es avec les gens selon leur disponibilité, selon l'événement, la complicité de l'événement. Puis s'il y en a qui ont la capacité de partager une survie, oui, mais tu peux pas être intime avec tes enfants ou même avec ta femme contre sa volonté. Quand tu as de l'identité, tu es capable de respecter ça. Mais tu sais, moi, j'ai vu mon père pas respecter le développement de ma mère, puis la forcer à ci, la forcer à ça. Il n'y avait pas d'identité, le bonhomme, là. Tu sais, parce qu'il voulait trop, au niveau de l'âme, que ça se passe comme il veut. Quand tu tombes dans des jeux de domination culturelle, émotionnelle, tu veux absolument que ton enfant t'aime, puis tu te quittes, puis tu forces la game, mais là, c'est pas de l'identité, ça, là. Parce qu'un gars, une personne qui a de l'identité a pas besoin de l'autre absolument. Il a besoin d'un autre absolument, comme moi, au niveau physique, j'en perds beaucoup. Fait que aujourd'hui, j'avais mon computer à sortir du char, puis j'ai demandé à un des travailleurs, j'ai dit, tu me sortirais-tu ma machine de l'auto? J'ai dit, j'ai pas de force physique. Un jeune, 26 ans, qu'est-ce que tu veux? Moi, 26 ans, j'élevais 200 livres au bout de mes bras. Lui, boum, il lève ça, il va le mettre ça. Puis là, il a le sourire, il voulait dire, hey, pépé. Ben ouais, pépé, c'est pépé. Quand t'as de l'identité, tu t'en crisses d'être pépé. Tu sais demander, tu sais. J'ai demandé, tu l'as fait. Je pourrais dire, ben, t'es un bon employé. Comprends-tu? Quand t'as de l'identité, tu peux lever à la crêpe n'importe quand, hein? Mais quand t'as pas d'identité, t'es dans le jeu de la personnalité, t'es toujours dans des comparables, tout le temps. T'es pas capable de composer avec le qu'est-ce que l'autre est. T'es dans l'image que toi, tu veux avoir par rapport à ce que l'autre te présente. Tandis qu'une personne qui a de l'identité, il y a une lecture instantanée du comportement de l'autre. Il est à l'écoute de l'autre. Il regarde l'autre. Tu sais? Puis il est capable de composer avec. Ben, quand il y avait le sourire, ben, je l'ai regardé, je disais, en tout cas, t'es fort, t'as le sourire, t'es convenable, t'as de l'avenir, man, lâche pas. Plutôt que de dire, mon esti d'arrogant, là, c'est pas parce que t'as été capable de lever la machine, papa. Ça, c'est de l'âme qui aurait réagi de même. Tandis que l'identité, s'il sert la main, lâche pas, mon grand. Faut être millionnaire un jour. Les jeunes à 25 ans, ils aiment ça se faire dire qu'ils vont être millionnaires un jour. Hey, j'ai du talent, des capacités, bah. Quelqu'un qui a de l'esprit, est-ce qu'il y a de l'intimité avec tout le monde? Il est capable. Moi, j'aime ça le mot habiter. Moi, avec de l'identité, je suis capable d'habiter n'importe qui. Peu importe sa composition, sa programmation, sa composition sociale. Moi, que le gars soit bandit, drogué, n'importe quoi, je suis capable de l'habiter. Mais je peux ne pas vouloir l'habiter aussi. Puis je souffre pas de problèmes moraux. J'ai pas de spiritualité dans mon être, moi-là. Là. Je compose selon la nature de l'événement, avec ce qui doit être dit, être fait, pour que l'autre soit le plus confortable possible. Regarde, tu m'as présenté un de tes amis, c'était un boxeur, c'était un gars qui a mangé de la misère quand tu étais jeune. Puis tout à m'adapter au gars. Mais si je l'aurais laissé dans sa poutine de personnalité, tu sais, c'est conflit d'off, ils sont pris sa table, tu sais, il aurait fait King Kong, lui, là. Pas tout. J'ai tout désamorcé ça. Bon, on est resté dans des registres qui sont bien, bien d'ordre mental. Ça lui a fait découvrir un autre aspect de l'échange avec les gens. Avec moi, en tout cas. Puis, tu sais, c'est sûr que quand t'es dans l'âme, tu voudrais que tout le monde soit de même, mais tu sais, tout le monde peut pas être de même. Pas possible, comme tel. Mais ça donne un exemple de ce que c'est habiter quelqu'un. Tu peux habiter un étranger, tu peux habiter... tu sais, il est étrange pendant 5 minutes, puis après ça, ben, une fois qu'il est habité... Peux-tu expliquer le concept de l'habitation? Qu'est-ce qui se passe quand tu habites quelqu'un? Ah, il faut être capable de le faire. Je peux pas te l'expliquer. Ce serait juste des références au niveau de l'idée, là. Mais je peux te donner des idées. Comme je te dis, je peux te donner une recette, mais je peux pas dire que tu es capable de l'appliquer. Hein. C'est premièrement, première règle pour faire la recette, il faut être de la farine, de l'eau, du lait. Donc, il faut que tu aies de l'écoute. Tu écoutes l'autre. Puis l'autre, ben, il veut te confronter. Fait que tu fuis du regard, tu regardes ailleurs, tu sais, puis pas. Jusqu'à temps qu'il te trouve plus, parce que là, il sait plus qu'est-ce que tu regardes. Puis de temps en temps, quand il arrête de te regarder, tu le regardes. Puis là, quand tu te regardes ailleurs. Tu sais, ça, là. Puis là, c'est juste une question de savoir comment il compose avec le rejet, comment il compose avec l'abandon. Puis s'il est fort là-dedans, bien là, tu peux le regarder en pleine face. Parce que là, si tu le regardes en pleine face, puis il n'a pas peur du rejet, puis etc., etc., c'est moins angoissant de parler. Mais si à chaque fois que tu regardes ailleurs, le gars, il panique, là, le gars ou la fille, ça veut dire qu'elle n'a pas d'identité, puis ça va être resté juste au niveau de l'âme. Alors, si la personne est juste au niveau de l'âme, pour l'habiter, bien, il faut que tu la sécurises beaucoup. Mon Dieu, que ça te fait bien, cette coupe de cheveux-là. C'est extraordinaire. Hey, t'as du muscle, mon homme, tu sais que c'est un gars. Là, je t'ai tout élevé fort, toi, quand tu pousses un truc, là, hein, c'est, tu dis pas, il pousse un auto, c'est niaiseux, tout le monde est capable. Mais pousser un truc, tu sais, un autobus, tu sais, il va tout ramasser, lui-là, parce que ça le sécurise. Fait que l'évolution d'un être humain, c'est très simple quand tu sais s'il est dans l'identité ou s'il est dans la personnalité. Tu te trompes pas ben en guessant qu'il est dans la personnalité. Parce que du monde dans l'identité, là, tu vas compter ses 10 doigts de ta main sur l'échelle d'une vie. Tu joues tout le temps la carte. Moi, je joue tout le temps la carte que c'est un animal. Tout le temps, tout le temps. Puis qu'un animal, ça veut tout le temps se comparer, puis ça veut tout le temps compétitionner. Tout le temps. Quand tu parles de là, tu te trompes pas. Puis là, t'attends qu'il s'épuise là, dans son tour. Parce que tout le monde, tout animal a un scénario. Tu sais. Un chat, c'est pas compliqué. Tu le flattes ou tu le bats. Dans sa tête, il n'y a pas de nuance. Donc, si t'arrives, tu places la main doucement, tu le flattes, puis tu te mets la tête à portée de griffe, puis tu checkes ses pattes. Tu sais, plutôt, tu checkes ses pattes. Mais il faut que tu checkes ses pattes en le regardant dans les yeux. Là, tu le regardes dans les yeux, mais tu checkes les pattes. Bon, quand tu es avec un félin dans la société, photo, tu checkes ses pattes. Tout le temps, comment il agit, comment il réagit. Tout le temps. Puis tu le regardes dans les yeux. T'es un beau chat, t'es fin. T'es un beau Albert. Moi, j'adore les Albert, ils sont fins. Puis là, tu checkes les pattes parce qu'il pense que tu peux rire de lui. S'il n'aime pas son nom, il a peur que tu ris de lui. Comment ça, tu me trouves beau comme Albert? Ben, écoute, si j'avais été ton père, je ne t'aurais pas donné ce nom-là, mais je respecte ce nom-là parce qu'il est rare. Elle a dû jouer avec la tête de l'autre. Quand tu as de l'identité, tu es capable de jouer avec la tête de l'autre. Donc, à un moment donné, ça prend 15-20 minutes, puis tu l'habites. Il y a un gars au bar, j'ai fait compter sa vie après-midi. On ne se connaissait pas tout. Puis à la fin, je dis, c'est quoi ton prénom? Il dit Michel. Elle dit, écoute, Michel, je suis bien content de t'avoir rencontré. T'as fait ma journée, toi. C'est pas une conférence ce soir, puis je vais parler de toi. Hein? Ah oui? Conférence en quoi? En parapsychologie. Je vais dire aux gens que j'ai rencontré un grand médium, là, puis t'inquiète. Aucun rapport avec la médiumité, mais il était content. Là, j'ai dompté l'animal. Pour habiter quelqu'un, est-ce que ça prend, d'une certaine façon, sa permission, au niveau même au niveau de l'âge? Ah, non. Un chat, tous les chats veulent se faire flatter. C'est qu'il y en a qui ont été battus jeunes, ils ont eu des chocs, des traumatismes. Puis c'est juste que tu prennes le temps. Tous les chats veulent se faire flatter. Tout. Même les plus boxeurs. OK. C'est ça. Écoute, il n'y a pas 250 000 recettes. Tu ne peux pas habiter quelque chose qui est fermé ou tu habites quelque chose qui est ouvert. L'idée, c'est de trouver. Il faut un bon set de clés qui rouvre toutes les portes. Ça, c'est clair et net. Comme toi, je te regarde aller, là, tu vas avoir un chum. Retiens une phrase. Un gars, ça va être un super-héros. Puis si tu ne joues pas la carte du super-héros, sincèrement, le gars, il sait que tu gères de lui. Puis quand un gars, il se fait rire de lui une fois, t'es barré à vie. Pas compliqué à comprendre, ça, là. Un gars ne s'engage pas s'il n'est pas le top. Il ne va pas lui dire, j'ai baisé avec un gars, il te baisait bien mieux que toi, mais si c'est avec toi, je veux vivre. Ça ne marche pas. Il y a un conflit dans le coco, là. Tu dis ça, le gars, ça veut dire quoi, là? Tu veux que je paye les comptes? Parce que lui, c'est tout le temps être le super-héros, là. OK. Tu sais, quand je rencontre le nouveau chum à Monique, j'y dis pas, hein, j'ai eu un bel enfant, hein, il est rendu riche, bien plus riche que toi, tu ne seras jamais le reste de tes jours. Hein. Penses-tu que tu aurais été capable de faire un petit, toi, là? Là? Eh, écoute, c'est pas le genre de conversation qu'il faut que tu tiennes avec le gars, là. C'est bavu, là. Eh, tu fais pas ça. Eh, je le fais pas non plus. Eh, salut, Dan. Puis moi, je m'appelle Dan. On a le plus beau nom du monde, nous autres, hein, nous deux. Puis toi, t'as un bien plus gros truck que mon char. Il est bien plus économique sur le gaz, il est diesel. Si au fond, tu me donnes des cours d'intelligence pour que je fasse des achats intelligents, moi, Mercedes, toi, avec un gros Ram, Dodge. C'est ça, habiter l'âme. Pas compliqué, là. T'es heureux. Hey, il est fin, ce gars-là, comment se fait-tu le laisser? Ah, oh, t'as une erreur de jeunesse. C'est simple de même. Faites rire, vous autres. Question? Que pour habiter quelqu'un, il faut vraiment d'abord que tu sois disponible. Tu l'écoutes. Oui, disponible, c'est le bon terme parce que faut t'écouter. Tu peux pas aller t'imposer dans un discours avec quelqu'un si tu n'as pas pris le temps de l'écouter. Moi, quand je vais au bar, tous les jours, j'essaie de connecter quelqu'un. Là. Il y en a des fois qui me regardent en voulant dire qu'est-ce que t'es, toi? Je dis, moi, c'est Daniel. Dan. Puis là, les serveuses, les autres, font un petit bout qui me connaissent. Hey, Dan, tu veux ça? Là, quand tu vois que la serveuse m'appelle Dan, puis que moi, j'ai dit, tu peux m'appeler Dan, puis toi, ton nom, c'est quoi? Ben, moi, je te le dis pas tout de suite. Bon, correct, pas de trop. Mon nom, j'ai une heure devant moi. Là. Parce que je joke. J'ai des jokes. Parce qu'il y en a, il y avait un code de moto. Il dit, je veux pas pouvoir te croire que tu es venu en moto ici aujourd'hui. Non, il dit, il fait trop frit. Je dis, je comprends. Moi, il est rendu à 9, j'ai débarqué mon bicycle. Ah, il dit, t'as fait du bicycle? Ah, j'ai même fait de la compétition. Mais compétition, on avait un trailer, quand ça faisait trop frais, on embarquait le bicycle sur le trailer, on faisait le reste en auto, hein, t'en penses? Tu reviens pas chez vous, 125 000 de chez vous en motocross, là, hein? Ça se passe pas sur la route. Ben, j'ai fait des jokes, je m'amuse, puis ils finissent par connaître mes couleurs. T'sais, en voulant dire, je te super à toi que je vais commencer un gars qui nourrit des bœufs Angus. Je sais que... Ils ont 2200 têtes, puis il faut qu'ils nourrissent 2200 têtes, 48 kilos de bouffe par bœuf, par jour. J'ai dit, je peux pas croire que tu fais des chaudières, puis que t'en as mis 48 kilos, c'est pas mal de chaudières. Tu es-tu malade? On est moderne, nous autres. Comment ça, t'es moderne? Ben, il dit, on a des machines qu'on charge de 5000 livres de stock, puis qu'il le garoche ça, là, sur une place là, où il mange, là, tu sais, l'espèce de rail, là, où ils mettent de quoi. Ils disent, on a 6 machines qui remplissent pour 30 000 livres. On lui donne ça, Zlang, 2 fois par jour. J'ai dit, mange tout le temps la même chose. Oh non, non, on a des recettes aux patates, des recettes au soya, des recettes au maïs, c'est évident. Puis je m'occupais de lui, là. Puis à la fin, il dit, qu'est-ce que tu fais, ta vie, toi? Ben moi, je cherche des gars comme toi qui sont intelligents de même pour lui donner des cours de bourse. Il dit, oh, il ne faut pas être intelligent pour ça. Je t'ai dit, mon homme, donne-moi 10 minutes de ton temps, là, pour te faire voir que tu es pas mal plus intelligent que tu penses. Ah ouais? Puis là, j'ai commencé à donner les principes. Faire de la bourse, c'est un système, un time frame, puis un money management. Oh, c'est facile. Je dis, attends, on va rentrer dans le plus corsé. Le plus dur, la bourse. Là, si tu comprends ça, tu es réellement intelligent. On peut acheter, on ouvre une position avec un achat, puis on ferme la position avec une vente. Ah, ben, je comprends ça. Tu vois, gars, on a le tout encore du coup de fait. Et le dernier, il est rough un peu. On peut aussi ouvrir en vendant quelque chose que tu n'as pas. Puis tu le rachètes pour fermer. Wow, une minute là, répète-moi ça. Là. Je le savais, hein, c'était tough. Ben, je dis, écoute, je te donne un crayon, je te le vends une pièce, tu me donnes ta pièce, puis moi, je vais aller, le gars qui m'a donné le crayon pour te le vendre, je m'en vais lui donner 50 cents, parce que lui, il m'a demandé 50 cents, le show. Fait que, avec ta pièce, je lui redemande 50 cents. Deux crayons, plus un autre deux crayons. Ben, j'ai quatre crayons à vendre une pièce. Tu as le droit de vendre quelque chose que tu n'as pas. Ouais. On appelle ça vendre une option. Puis, il faut que tu fermes ta position. Donc, il faut que tu fermes avec un achat quand tu as vendu. Puis, c'est la différence entre les deux qui est payant. Fait que je me fais des chums de même en lui parlant de ce qui les intéresse. Puis là, à un moment donné, ils finissent par dire, puis toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, je leur explique quelque chose qui les intéresse. Tu mentionnais un peu plus tôt, Daniel, le facteur de t'avantager. Tu te souviens que tu... Quand tu es complice, oui. Oui, quand tu es complice. Pourrais-tu transposer ça, par exemple, dans le cas de l'intimité, quels sont les facteurs avantageux dans ce domaine-là? Bien, écoute, je sais que pour bien du monde, être complice et être intime, c'est pas mal pareil. Mais... Tu sais qu'il y a un gars qui vient après-midi puis que tu sais il arrache les fenêtres puis qu'il en casse dans le tas. Puis j'ai dit quand tu laisses au deuxième étage, quand tu laisses tomber ton morceau de verre en bas, es-tu sûr que ton chum n'est pas là? Je l'amène à réfléchir à la conséquence de ses actes. Je suis complice avec lui, puis peut-être que je l'aide à pas blesser un de ses chums, puis tu te quittes. Et puis, c'est pas intime, mais quand tu es intime avec quelqu'un, tu t'attends à avoir quelqu'un dans ta vie qui te protège comme ça, qui t'avertit de la conséquence de tes actes, puis qui a assez de jugement pour te faire comprendre que si tu le fais pas, tu es en danger, puis que lui est là, puis il te regarde en danger, puis tu sais, moi, je sais bien qu'être avec quelqu'un qui se dit intime et puis qu'il peut m'avertir de quelque chose, je trouve ça crissement intelligent parce que là, ça va confirmer que ça valait la peine d'être intime. Comprends-tu? Sinon, ben, au pire, il est complice dans l'événement, mais il ne sert à rien dans l'événement. Comprends-tu? Tu sais, je regarde des morceaux de vitre tomber, puis je suis complice dans l'événement, mais je l'informe pas dans l'événement du danger, du comportement qu'il y a. C'est comme si tu amènes une... Je ne sais pas si on peut qualifier ça de bienveillance. De responsabilité. Un être qui est intime dans ta vie, il est responsable de toi. Puis toi, tu es responsable de lui ou elle. Moi, je peux pas figurer une personne qui se dit intime, qui est pas responsable, pas capable de voir ça, moi, là. Il y a un facteur d'engagement en ce moment. Ben, c'est pour ça que je vous dis, une personne qui est dans l'intimité, il est engagé. Si la personne n'est pas engagée, elle peut pas être responsable. Elle va être complice parce qu'elle fait partie de l'événement, elle n'a pas le choix. Mais elle va défendre ses intérêts puis sa peau avant tout. Ce qui est le propre de l'être humain en général. Un être humain qui est animal, il défend ses intérêts. Fait que si tu fais partie de ses intérêts, il va te défendre pour ses intérêts. C'est un patron qui va défendre un employé parce qu'il veut pas qu'il se blesse, parce qu'il veut qu'il travaille, puis c'est un employé qui coûte pas cher, il verra pas son bien-être de vie. Tu sais, c'est comme le gros débat sur le 15$ de l'heure versus le 10$ salaire minimum. Tu sais, ils ont toutes sortes d'arguments, vous dites, ben, montez-le à 15, on va le refiler au client. C'est pas responsable, c'est là, là. Combien de ministres qui sont pas responsables du mandat qu'ils ont? Ils ont la responsabilité d'un peuple, mais ils regardent leurs intérêts en premier. Il y en a aussi des politiciens qui regardent leurs intérêts en premier. Fait qu'on est complice dans l'événement, mais on n'est pas responsable, donc il n'y a pas de proximité. Regarde tous ceux qui ont été aimés comme politiciens, puis c'était des gens qui étaient capables d'installer un rapport de responsabilité avec ceux qui les mettaient au pouvoir. Du pouvoir responsable, j'en ai pas vu beaucoup, beaucoup. Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et c'est quoi qui nous amène, à ton sens, vers ces approches-là, disons, dans le sens que on approche l'autre personne avec cette optique-là d'être responsable de l'autre? C'est quoi qui nous amène à ça? Ben Bernard, il parlait beaucoup de générosité. Oui, beaucoup, beaucoup. Ben, générosité, c'est quelque chose qui te demande un petit plus qui n'est pas nécessairement intéressant. À un moment donné, ça peut devenir ton mode d'opération régulier. Ben, quand tu as de l'identité, c'est ton mode d'opération. Personne qui a de l'identité n'a pas besoin de se nourrir. T'sais, c'est comme, ben, mange ce que tu peux, puis je vais manger le reste, puis s'il n'en reste plus, ben, m'en trouve ailleurs. C'est ça, quelqu'un qui a de l'identité. Le centre d'attention se déplace. Bien, mon centre d'attention, c'est, j'ai des chats, j'ai un bon lit, puis j'ai un bon char. J'ai juste trois affaires à défendre, moi, là. Le reste, bien, c'est de la bataille avec tes cartes de crédit. Bien, c'est des combats, là, tu sais, c'est de la titre, là. Donc, bon, OK, il y a un combat à faire, moi le faire du mieux de mes capacités. Mais ça me fait pas souffrir, moi, que Mastercard attend un paiement de 300$. Là. C'est pas moi qui attends, c'est eux autres. Là. Écoutez, si vous voulez que je vous paye, achetez-moi des CD. Ça va être mon premier paiement.